La Bible David Martin 1855. Épître de saint Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 1. Dieu ayant anciennement parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs fois et en plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a fait les siècles, et qui étant la splendeur de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par soi-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, étant fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré ?» Et ailleurs, « Je lui serai père, et il me sera fils ?» Et encore, quand il introduit dans le monde son fils premier-né, il est dit, « Et que tous les anges de Dieu l'adorent. » Car quant aux anges, il est dit, « Faisant des vents ses anges, et de la flamme de feu ses ministres. » Mais il est dit quant au fils, « Ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton royaume est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par-dessus tout tes semblables. Et dans un autre endroit, toi, Seigneur, tu as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont les ouvrages de tes mains. Ils périront, mais tu es permanent, et ils vieilliront tous comme un vêtement. Et tu les plieras en rouleaux comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu es le même, et tes ans ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut?